Flex le matas. Un putain de son au top qui fait confort que l'état kamikaze. Génération en hell jusqu'au cou, levez-vous. Allons-y, de se barrer, ce putain de monde est à nous. Et dans ton passe cousin, tu sens ce que tu crains. Normal c'est le jackpot, on vient parler de tout ce qui nous rempâche. T'as trop la haine, tu deviens fou ou kamikaze. De toute façon bien crâne et c'est parti, on organise le crâne. C'est violent sur le chrome, il connaît, racolte sa silicone. Et je fais chuter l'économie comme des bombes dans Silicon Valley. Mes cousins on s'en bat les couilles, ton shit en poète. Nous on veut des litrons de somme pour finir un jour pisse à la Bob Marley. La richesse ça dure pas car cette putain de roue s'est emballée. On mourra tous un jour, j'espère juste voir mes 24 balais. Tous se font kamikaze, acteurs dans ce putain de balai. Mais oublie pas que si tu cherches l'ami break-tick, tu te fais emballer. J'balance un molotov sur le beat, c'est O'Reilly Music, faites place. Revois la Big White Weezy, c'est FLX, reviens avec un flow dingue. Avec New My Daps, un mic dans un porte-flingue. C'est la merde sur le beat, on est des putains de kamikaze. On fout le feu au mic, y'a pas de match amical. On court après les galons, il faut avoir le bras long. La fumée de nos spliffs est la seule chose que nous avalions. Sortez vos glocks, ici c'est flex, nos matas. Un putain de son au top qui fait confort que l'état kamikaze. Génération en hell jusqu'au cou, levez-vous. Allons-y, de se barrer, ce putain de monde est à nous. Et dans ton passe, cousin, tu sens ce que tu crains. Normal c'est le jackpot, on vient parler de tout ce qui nous rempâche. T'as trop la haine, tu deviens fou ou kamikaze. De toute façon bien crâne et c'est parti, on organise le casse. La vie est une salope qui se fait trop désirer. Moi je veux des euros, des heureux, j'en fais pas, j'suis pas zéro ou kamikaze. En mode je reste fier pour la mifa. Faut du cash, monnaie, faut charbonner. Ouais tu connais tout ce qu'on commet, c'est grave. Mais c'est comme ça, y'en a bien, c'est des traves. C'est crade, c'est grave, comme dormir en Gérard. On fuck l'état pour la putain de loi qu'empêche les miens de bigrave. Kamikaze, on le deviendra vite si la police nous fâche. Je suis un kamikaze, je le revendique même si des fois c'est hemi. Appelle-moi Nyoma, l'escroc qui porte ses couilles même sans ses amis. Encaisse la touille quand t'as mimé, je sais que t'es vénère. Réfléchis bien MC, je peux te faire perdre plus que la vie. Donc écoute ce feat corsé, on pète tout comme les corses. Viens dans nos holosters, je te ferai tapiner comme une garce. C'est pas une farce, tu verras bien ce flow va te laisser à terre. Quand j'arrive sur beat, j'nique tout puis range le micro dans mon holster. Sortez vos glocks, ici c'est flex, nos matas. Un putain de son au top qui fait confort que l'état kamikaze. Génération en hell jusqu'au cou, levez-vous. Allons-y, de se barrer, ce putain de monde est à nous. Et dans ton passe, cousin, tu sens ce que tu crains. Normal c'est le jackpot, on vient parler de tout ce qui nous rempâche. T'as trop la haine, tu deviens fou ou kamikaze. De toute façon bien crâne et c'est parti, on organise le casse. Et moi je dégoûte dans la place, balance un beat que je le tabasse. On a tous la dalle, on vise le top, vous êtes à la ramasse. Sors de la masse et t'as le poing rouge posé sur le front. En mode kamikaze, on est tous un peu dans le fond. On se jette dans le feu, nique sa mère les risques. On se bat pour notre cause en mode street, street lyricist. T'es kamikaze gros, maintenant putain l'équipe. FLX, no my dabs, balance le générique. Kamikaze, on vole vocal, brinquette la tête. Qui n'ont plus de tasse, qui laisse la haine. Qui brave la tête, qui n'ont plus de 06, qui résonne dans le fils. Qui garde la pêche et qui tourne pas la veste. Et quand tu parles, fais pas mal à la tête. S'il y a un blême, belle mec, qui le couche, il t'a assez. Qui te donne du flou. Kamikaze, t'as pas chaud, c'est ce que le dit ton. T'es un fume, t'as voulu du lourd, vas-y que je t'en fume. J'ai pas un petit sur ma fume. Peux pas réveiller, si fait des on fume, on cheese, on se fout des narvalos comme toi qui dit qu'il pète mais qui sort la piste. Sortez vos glocks, ici c'est flex, nos matas. Un putain de son au top qui fait confort que l'état kamikaze. Génération en hell jusqu'au cou, levez-vous. Allons-y, de se barrer, ce putain de monde est à nous. Et dans ton passe, cousin, tu sens ce que tu crains. Normal c'est le jackpot, on vient parler de tout ce qui nous rempâche. T'as trop la haine, tu deviens fou ou kamikaze. De toute façon bien crâne et c'est parti, on organise le casse. Kamikaze. Kamikaze. Et c'est parti, on organise le casse. On organise le casse.